Micro ouvert. 1, 2, c'est parti. Rencontre, donc on peut dire ton nom, ton prénom, Denis Debonnet. Debonnet. Je savais que je me trompais. Est-ce que tu peux faire une petite présentation de toi, Denis? Alors, je m'appelle Denis Bonnet, j'ai 60 ans, je travaille dans l'associatif et ou l'institutionnel un peu social depuis toujours, en fait, depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, je travaille au collectif Solidarité contre l'exclusion, qui est une association qui, depuis une vingtaine d'années, travaille surtout sur la défense des publics les plus précaires, chômeurs, allocataires sociaux. On mène toute une bataille contre l'activation des chômeurs, l'activation dans les CPS, etc. Là où une aide avant était acquise parce que vous étiez dans un état de besoin, maintenant, il faut montrer patte blanche, il faut faire une foule de trucs qui n'ont ni queue ni tête. Ça, c'est un de nos combats, par exemple. On travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est précarisation du marché du travail, l'ubérisation, les livreurs des livreaux, ce genre de choses. Voilà. Là, pour l'instant, je suis en train de travailler avec un collègue sur un gros dossier sur les méthodes de McDo dans les antennes franchisées, la manière dont les jeunes se font surexploiter. Combien de temps que tu fais ça? Donc, au collectif, ça fait 10 ans que j'y suis, tout juste 10 ans. En octobre, j'ai passé 10 ans. Et avant ça, j'ai bossé, moi je suis un socio-cul de manière un peu caricaturale, comme on disait de mon temps. Donc moi j'ai toujours travaillé ou dans le social ou dans la culture. Donc j'ai, il y a 20 ans, travaillé au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, uni à aujourd'hui. Donc j'ai mis en place les différents bureaux de plaintes antiracistes du côté francophone. Un exemple de boulot social à connotation un peu politique que j'ai fait. Sinon, je me suis occupé de la toute première, j'ai été dans ceux qui ont fondé la toute première Zineke, par exemple, parce que je suis comédien plutôt à la base. Quoi encore? Oui, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis une caricature Je te sens rigolant, ce que je veux dire. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est intéressant. Quand on prend mon CV, c'est un peu comme une tranche milanaise. Depuis 30 ans, c'est clair. Je crois que j'ai fait quelque chose comme 12 ou 13 employeurs différents. Apparemment, quand tu jettes un coup d'œil comme ça, ça a l'air un peu disparate. Et puis moi, je me suis dit, finalement, il y a un fil rouge, presque, il y a presque toujours un fil rouge, pas délibéré, mais qui ressort, qui est en gros la lutte contre les discriminations. Donc dans mon boulot antérieur, juste avant que je sois au collectif, j'ai mené une campagne antisexiste dans l'aide à la jeunesse, vraiment donc dans les associations de jeunesse et dans les quartiers, comme on dit. En fait, pour combattre tout bêtement la montée du machisme dans certains milieux populaires. Et quoi, ça fonctionne? Parce que oui, j'ai travaillé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais quoi, ça concrètement, il y a du changement après ça ou bien? Alors, mesurer le changement de ce que tu fais, c'est souvent difficile. Tu changes pas le monde du jour au lendemain. Ce que je peux te dire, par exemple, c'est que ce boulot qu'on avait fait sur cette campagne antisexiste dans l'aide à la jeunesse qu'on a fait. D'abord, il y a plein d'écoles qui nous ont invités et donc qui estimaient qu'il y avait vraiment un besoin. Que ça a débouché sur une mallette pédagogique qui s'appelait Ainsi soit-elle et qui a... La mallette on ne l'avait pas demandé, qui a été primée par l'échevinat de l'égalité de chance hommes-femmes, on était à Skarbek, qui a été nominée par Vie féminine comme un des meilleurs outils de l'année, etc. Voilà, et je sais que cette mallette tourne encore, voilà, donc... Alors maintenant, mesurer... Denis, pour te taquiner, parce que j'aime bien taquiner, on voit que ça n'a servi à rien, puisqu'il y a MeToo qui a débordé l'année dernière, 2017. Je peux pas être d'accord avec cette manière de raisonner. C'est de la taquinerie. Je comprends très bien, mais je comprends la blague. Mais alors, je vais répondre aussi sur le mode un peu de la boutade en disant, alors je vais dire que et Greenpeace et Amnesty peuvent fermer boutique. Moi, je pense que ce qu'ils font n'est pas inutile. Maintenant, objectivement, est-ce que sur le plan écologique, la planète se porte mieux depuis 40 ans? Non. Donc, en gros, ce que Greenpeace, et pas seulement Greenpeace, a fait n'a servi à rien. Si, tu peux toujours te dire d'abord que les choses seraient pires. Voilà. Et puis... D'abord, on ne fait plus rien. Et puis moi, je pense qu'il y a des choses qui sont utiles. Ça ne veut pas dire que... Voilà, moi, je suis persuadé que cette campagne antisexiste qu'on a faite, moi, je sais très bien qu'on est allé faire des animations dans les écoles. J'ai retrouvé parfois des jeunes qui, à l'époque, avaient peut-être 13, 14 ans et qui m'ont reconnu, moi. Évidemment, moi, j'ai fait une trentaine d'animations en scolaire et tout. Je ne me souviens pas de tous, mais plus d'une fois, on m'a arrêté en disant « Ah, monsieur, c'était chouette, c'était bien, etc. » Donc voilà. Tu te dis, voilà, tu sèmes, maintenant est-ce que ça pousse, t'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que tu sèmes pas, t'auras pas de moisson. Voilà. Donc, alors à côté de ça, j'ai aussi, mais là, plus sur un plan, je dirais, militant, enfin, à la fois professionnel et militant. Je vais te donner deux exemples tout à fait précis de choses que j'ai faites et où je me dis que, et c'est un peu en lien avec le thème qu'on aborde aujourd'hui, il y a deux choses que j'ai faites dont je suis absolument sûr que ça a eu un certain effet. La première, c'est une bataille que j'ai menée en 2013 avec un avocat bien connu qui s'appelle Olivier Stein, c'est l'avocat des parents de Maouda, c'est l'avocat, enfin, c'est le mec qui passe son temps à croiser le fer avec Franken notamment. On a mené, donc ça c'était notre avocat, on a mené une bataille à trois avec Mamadou Ba qui était un réfugié guinéen massacré par Aube Dorée. On l'a eu dans le micro ouvert. Et qui a, voilà, on a obtenu, ça a été 7 mois de bataille, c'est des copains grecs qui me l'ont adressé et qui me l'ont même envoyé, c'était en Belgique, et c'était un kit double. Et ben j'ai été voir tous les juristes démocrates qui m'ont dit on va t'aider, mais te fais pas trop d'illusions, la Grèce est un pays européen, et en plus la Grèce va prendre justement la tournante de la présidence européenne, en plus ton mec il est pas sans papier, il est déjà réfugié, en principe on est réfugié une seule fois, ben, bref, ils m'ont tous dit super combat, mais ne te fais aucune illusion. J'ai été voir Olivier Stein, il m'a dit « Envoie-moi ton mec ». Il a cuisiné pour essayer de le déstabiliser, 2 heures, et puis il m'a pris à part. Il a dit « Ton mec, son récit ». Il a dit « Je me fous de savoir si c'est vrai, mais c'est vraisemblable ». Et puis, sur moi, il a dit « On va gagner ». Première fois que j'entendais ça, 7 mois après, jour pour jour, on avait gagné. Gagné quoi ? On a la reconnaissance de Mamadou comme réfugié. Or, il avait été, bah, puisqu'il est passé chez toi, tu sais qu'il en est, il avait été agressé par les gens d'Aube Dorée par 2 fois. La première fois, ils l'ont laissé pour mort. Les copains qui me l'ont exfiltré ont dit il doit partir. Il y a un milieu antifasciste hyper solide en Grèce. J'ai dit mais quoi, on ne sait pas le protéger. Il dit mais non, on ne va pas lui faire une garde du corps nuit et jour. On ne sait pas le protéger nuit et jour. Or, il est vraiment blacklisté. Il y a des antennes d'Aube Dorée dans toutes les villes de Grèce. Et clairement, il est l'homme à abattre. Donc, il faut l'exfiltrer. Bon. Donc, il y avait un véritable enjeu là. D'abord pour le mec, parce que lui, vraiment, c'est sa vie qu'il manque. Et en plus, ce type était véritablement un des organisateurs et un des porte-parole des sans-papiers, des migrants en Grèce, alors qu'il n'a jamais été sans-papiers, mais bon. Donc voilà, et c'est des copains qui sont des antifascistes solides qui m'ont dit là, il faut que vous preniez le relais. Bon. Moi, on m'envoie le colis cadeau comme ça, je t'avoue, je me disais, mais moi, je ne suis pas juriste. Je connais la question un peu du droit d'asile parce que j'ai bossé là-dessus, mais c'était il y a 20 ans, etc. Ils m'ont dit, arrête de déconner, tu es du CLTM, tu es journaliste, tu es un antifasciste, tu connais du monde. Mamadou veut venir en Grèce, c'est toi qu'on connaît. Il est du CADTM, c'est toi qui le prends en charge. Je t'avoue, tu peux demander à ma femme, moi j'avais les foi. Petite CADTM. Oui, donc le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Voilà. Et Mamadou avait rencontré le CADTM en Grèce, avait travaillé avec eux, et c'est comme ça. Et moi je connaissais les potes grecs, et c'est comme ça qu'ils m'ont. Ils avaient lancé toute une campagne contre l'extrême droite, contre la résurgence de l'extrême droite, c'était il y a 5 ans. Là, on va y venir, la résurgence de l'extrême droite qu'on voit partout en Europe. Et Yorgos Mitralias, qui est un peu un des deux animateurs de CADTM Grèce, avait lancé un manifeste antifasciste, mais à la base de syndicalistes. Comme moi, je suis dans le groupe Réagi, qui est le groupe antifasciste de la FGTB, je l'avais rencontré, et puis j'avais rencontré via le CADTM aussi. Et donc il m'a dit, je ne vois pas qui d'autre que toi pourrait faire ça. Voilà, bam. J'ai dit, oui, t'es bien gentil, mec, mais moi j'ai fait ça il y a 20 ans. Je suis plus tout à fait dans le milieu et tout. Comment je vais faire? Ben voilà, on s'est lancé à l'eau, on y est parvenu. Première victoire, deuxième victoire, ça tu le sais. Tu parlais tout de suite de Christine Mailly. On sort de deux ans de bataille. Hors micro, les gens l'ont pas entendu. Hors micro, on a parlé de Christine Mailly. Oui, pardon, juste. Donc. Avant qu'on ne débarre. Donc Christine Mailly, du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, directrice du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, eh bien, avec elle et d'autres camarades, la Ligue des droits de l'homme, avec la CGSP, avec toute une série de gens, avec les comités de chômeurs, FGTB, CSC, etc., on a mené une bataille. Et quand je dis on, sans nous pousser du col, je peux vraiment dire qu'au départ, on était deux, moi à Bruxelles et Bernadette Cheikh de l'association Défense des locataires sociaux à Liège, la DAS. Un camarade nous avait alerté sur effectivement un projet de loi qui était en route, qui était le projet de service communautaire, qui était donc une forme de travail obligatoire imposée aux locataires de sociaux en contrepartie de leur allocation. Évidemment, le ministre Borsu qui avait lancé ce projet présentait la chose comme volontaire, mais nous on disait faut arrêter de déconner, le rapport de force est tellement écrasant entre un allocataire social qui dépend d'une institution quand même très impressionnante comme le CPS pour sa survie. Quelle marge de manœuvre a-t-il pour refuser? Si on lui suggère, on dit c'est pas obligatoire, mais on vous recommande chaudement, d'autant plus que ça compte pour votre disposition au travail, c'est-à-dire que vous manifestiez que vous êtes prêt à accepter un boulot, ce qui est une des 6 conditions sine qua non pour avoir droit à l'aide. Alors on dit c'est obligatoire, mais quand même, ça, c'est l'élève qui est un peu en difficulté, et puis son bulletin n'est pas très bon, on dit oui, mais là vous aurez un bon point. Mais évidemment qu'il accepte. Donc on a dit, c'est la première réintroduction depuis avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu quelques cas comme ça dans les années 30 au moment de la crise. On donnait des pelles à des chômeurs pour aller déneiger sans qu'ils soient payés. Mais donc c'est la première fois qu'on introduisait un travail obligatoire et gratuit pour les pauvres, bon, par rapport à des gens qui en principe avaient droit à une aide parce qu'ils sont en situation de besoin. Bon. Donc il ne s'agit pas de leur proposer un boulot, il s'agissait vraiment d'aller les faire travailler gratos. On s'est dit ça c'est insupportable. Donc, il n'y a pas longtemps de ça en fait. Hein, ça... On a gagné en juillet de l'an passé. Et on a commencé en le projet a démarré début 2016. Bon, le projet de loi et puis la mobilisation a commencé tout doucement. Mais au départ, sans déconner, on était vraiment deux plus mon association, le journal, etc. Et on est allé chercher. On a pris le bâton de pèlerin. On est allé chercher les syndicats, les comités de chômeurs, la Ligue des droits de l'homme, etc. Très très vite, beaucoup ont dit oui, on marche. Mais objectivement, on va pas se pousser du col. Mais on a longtemps été Bernard et moi donc. La DAS et le collectif contre l'exclusion, et singulièrement nous deux, on a été les locomotives. Et je t'avoue que là aussi, au départ, on s'est dit, c'est pas gagné d'avance. Hein, ça semblait très lourd. Hein, en fait, locomotive, on était à la fin un peu comme comme les remorqueurs, tu sais, les tout petits bateaux qui tirent derrière. On avait la Ligue des droits de l'homme, le réseau, la CGSP, etc. Et on a gagné. 2 ans de bataille et on a gagné. Voilà. Alors, c'est une première manche. Hein. Ils viennent de ressortir le même projet pour les chômeurs, mais on va se remobiliser. Et à mon avis, on a plus de chances de gagner encore. Ils viennent de quoi, là ? Ils viennent de relancer exactement le même projet. Ça s'appelle le service d'intérêt général. Et cette fois, ça ne s'adresse pas aux allocataires sociaux de CPS, mais aux chômeurs. Alors, heureusement, la demi-chute du gouvernement Michel, le fait qu'ils sont en affaires courantes, fait que le projet ne verra pas le jour cette fois-ci. Notre crainte, c'est que c'est clair, ils vont leur mettre sur le tapis. Déjà, le projet par rapport au CPS, donc le fameux service communautaire, il a été, quand je disais qu'on a gagné, on a aussi fait un recours devant la Cour constitutionnelle qui a fini par déclarer anticonstitutionnelle la loi, mais sur une base très belgo-belge, très institutionnelle. C'est pas les meilleurs arguments, mais c'est ça qui a marché. C'était que le fédéral, puisque c'était une loi fédérale, s'était arrogé en fait des compétences qui étaient régionales, puisque maintenant tout ce qui est mis à l'emploi ou mis au travail est régionalisé. Donc c'est là-dessus qu'on a gagné. À côté de ça, on a fait avec Olivier Stein un mémoire qui faisait, si je me souviens bien, 137 pages, donc des arguments, il y a des 50 arguments au moins qui ont été développés, et c'est là-dessus qu'on a gagné. Mais on est absolument sûr que les autres arguments sont excellents aussi, et à la limite, on serait même, je vais pas pousser le bouchon, mais j'aurais presque envie de dire qu'on serait même très content que, au niveau régional, le projet réapparaisse, puisqu'il a été invalidé, puisque c'était aux régions de le faire. Donc c'est tout à fait imaginable que, par exemple, M. Borsu, qui est le fondateur de la loi, mais qui aujourd'hui est ministre-président de la région Wallonne, on peut tout à fait imaginer que, par exemple, après les élections, il ressorte le projet, mais au niveau Wallon. Mais nous, on est dans les starting blocks, et on est absolument sûr que, voilà, on est vraiment sûr de gagner. Et alors, ils ont fait le même projet, mais cette fois au niveau chômeur. Mais tout ça, pour l'instant, est évidemment reste en suspens à cause de la crise gouvernementale. Mais on est vraiment... les flèches sont dans le carquois et on est prêt à repartir au combat. Voilà. Voilà deux exemples qui montrent que... Je posais la question en disant, oui, mais ce que vous faites sert à quelque chose. Il y a au moins deux... J'ai comme ça dans ma carrière, entre guillemets, militant depuis 40 ans, j'ai connu, je crois, en tout 4 exemples où... Des luttes auxquelles j'ai pris une part, parfois déterminante, parfois simplement, j'étais un des organisateurs, où je peux dire oui, ça a donné une victoire. J'en ai connu 4. Là, tu en as donné 2, mais on peut-être si on a le temps, on parle des 2 autres. Parce que moi, j'aurais aimé te rencontrer, Denis, plus parce que paraît-il, le fascisme historique avant-guerre, t'as fait, une étude là-dessus, t'as fait de la recherche, t'as l'air bien au courant, non ? Comment on dit Si t'es bien au courant, ça veut dire que t'as eu le temps de faire des lectures, t'as eu le temps de faire de la recherche, comment... Bon, j'ai pas vraiment fait d'études ou de recherches, j'ai par contre beaucoup écrit là-dessus en tant que journaliste. Du coup, si t'écris, c'est que t'as lu aussi... En gros, je peux dire que, bon, maintenant ça fait, oui, sans déconner, à peu près 40 ans que je suis actif socialement. Sur ces 40 années-là, il y a 20 années où le combat antifasciste a été vraiment ce qui a structuré tout mon boulot. C'était l'axe principal. À côté de ça, Et pourquoi comme ça on a... Je vais y venir tout de suite. Et quand on dit antifascisme, évidemment, il y a des ramifications. J'ai aussi travaillé, j'y ai fait allusion, j'ai fait une campagne antisexiste dans l'aide à la jeunesse. C'est parce que historiquement, fin des années 70, années 80, avec ma compagne de l'époque, etc., j'étais très actif dans le combat pour le droit des femmes, le droit homosexuel, ce genre de choses. Mais c'était en lien, parce que dans toutes ces manifs-là, hein, les manifs pour l'avortement et tout, en face de nous, on avait les milices du Vlaams Militante Horde, on avait les milices du Front de la Jeunesse, etc., qui eux étaient, bon, voilà. Qu'on connaît pas, nous. Hein. Donc, à l'époque, on a une extrême droite qui était encore beaucoup plus ouvertement fasciste qu'aujourd'hui, qui avait donc vraiment des services d'ordre qui étaient plus que des services d'ordre, qui étaient des milices agressives. C'était pas des un service d'ordre, c'est pour se défendre. Là, c'était vraiment des milices qui attaquaient et qui, eux, évidemment, avec la logique hyper conservatrice, familialiste, etc., étaient contre la contraception, contre l'avortement, faisait partie de tous les réseaux, le Front National en France avec Romain, Marie, etc. Il faut savoir que le Front National a longtemps eu une aile, maintenant il joue les laïcs, mais une aile ultra-catholique proche de la fraternité Saint-Pie-X, Monseigneur Lefebvre, etc. Donc voilà. Et ils avaient des relais en Belgique, oui, tout à fait, rue du Trône, tout près d'où se trouvait la Ligue des Familles, c'est un comble, il y avait, le bureau et la boutique de pas laisser les vivre, c'est en France, mais en Belgique, ça s'appelait Provita. Et je me souviens très très bien, c'est leur vitrine complètement dégueulasse avec des effigies de foetus en résine, etc. Enfin bon, les trucs vraiment dégueulasses. D'ailleurs, un jour, on est allé mettre un pavé dans la vitrine, mais ça, il ne faut pas le dire. Voilà, mais c'est ces gens-là qu'on avait en face de nous. Excuse-moi de te couper, hein, c'est parce que sinon on part, parce que toi tu parles du et c'est parti. C'est pour, en gros, on va pas s'étaler là-dessus, mais pourquoi ce gros travail sur le fascisme historique avant-guerre? Voilà. Pourquoi? D'abord, c'était l'époque. Moi, je commence à militer fin des années 70, et c'est vraiment la première fois que. T'as quel âge là, alors? Moi, j'ai 60 ans. Non, à l'époque. À l'époque, j'en ai 20. Okay. J'en ai 21. J'ai vraiment 40 ans. Donc, fin des années 70, pour la première fois depuis la guerre. Hormis le cas de l'Italie, qui est un cas tout à fait à part, où il y a eu un parti fasciste qui s'est reconstitué presque sitôt après la guerre, le MSI, mais c'était un cas très particulier, sur lequel je ne reviens pas. Et hormis, évidemment, le Portugal et l'Espagne, il y avait encore des dictatures fascistes en Europe. Mais si on accepte ça, enfin, où elles venaient de tomber, 76, 74 au Portugal. Bon. Si on accepte ça, l'extrême droite était véritablement dans les cordes. Parce qu'il y avait encore la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, qui est encore relativement proche, et parce que, elle n'était pas encore parvenue, elle se reconstituait de manière souterraine, mais elle n'était pas encore parvenue à percer électoralement. Du coup, sa stratégie consistait essentiellement à deux choses. D'une part, une pratique, d'infiltration, d'entrisme au sein de l'appareil répressif d'État, sûreté de l'État, gendarmerie, etc. Il y a eu, dans ces années-là, toute une série de scandales majeurs en Belgique qui ont éclaboussé la sûreté de l'État, la gendarmerie, etc. Avec un exemple pour qu'on comprenne, ou des exemples pour qu'on se rappelle. Il y en a eu toute une série. Il y a eu, par exemple, il y avait à l'époque, la gendarmerie était encore un corps militarisé, c'était partie de l'armée. Et il y avait les brigades Diane qui faisaient un travail de flicage politique. Il y a eu des gros scandales autour de Microfiche B, c'est le début de l'informatisation, etc., qui était donc un fichage systématique des milieux progressistes de gauche, etc., par exemple. Ça a fait vraiment un scandale. Il y a le commandant François qui est tombé là-dessus, qui était un des dirigeants de la gendarmerie. Il y a eu l'affaire du Westland New Post, donc le poste avancé de l'Occident, une milice d'extrême droite néo-nazie qui avait infiltré la sûreté de l'État. Alors, la version officielle qui a été donné notamment par la sûreté, c'est qu'ils avaient été infiltrés, à ceci près que des enquêtes sérieuses qui ont été faites par des journalistes d'investigation que je fréquentais à l'époque, d'un réseau dont je faisais partie à l'époque, ont démontré qu'effectivement, on ne sait pas très bien si c'est la sûreté qui infiltrait l'extrême droite ou l'extrême droite qui infiltrait la sûreté. Voilà. Et alors, pour répondre à ta question sur pourquoi est-ce que l'antifascisme, d'abord, j'ai des raisons personnelles. Il se fait que le deuxième mari de ma mère était un résistant armé, condamné à mort, 44 mois de forteresse nazie, etc. Donc, disons que j'avais un peu ça dans les gènes. J'ai des parents qui avaient connu la guerre aussi, etc. Mon père n'était pas juif, mais a grandi à Kurgem, en plein quartier juif. Il a vu tous ses copains porter l'étoile jaune et puis partir. Dans la maison qu'ils occupaient, boulevard de la Révision, à la fin de la guerre, il y avait une famille d'origine, c'était la mienne, parce que mon père n'était pas juif, il a vu tous ses copains partir. Bon, voilà. Donc il y avait un peu ça. Et, comme je t'ai dit, dans les années 70, on a vraiment senti que pour la première fois depuis la guerre, sauf deux, trois pays où, effectivement, ils avaient pu se maintenir, mais partout ailleurs, l'extrême droite, effectivement, était en groggy après la guerre, et que là, elle était en train de se relever. Tout simplement parce que le temps avait fait son œuvre, les nouvelles générations connaissaient moins, et ainsi de suite. Et aussi parce que la crise était là, il y a les deux éléments, et que l'extrême droite a senti. Mais à l'époque, elle commence à se reconstituer, mais elle n'est pas encore capable de se constituer en parti traditionnel qui se présente aux élections, etc. Il le faisait, mais il restait extrêmement marginal et marginaux et même insignifiant sur le plan électoral. Donc, les méthodes qu'ils avaient trouvées, c'était, un, l'infiltration de l'appareil d'État. Quand tu dis les méthodes qu'ils avaient trouvées, c'est quoi ? Nomme-le, parce qu'on ne voit pas quoi, l'extrême droite, le fascisme. Oui, le fasciste. Donc l'extrême droite, je dis l'extrême droite pour la première fois depuis 30 ans, relève vraiment la tête de manière significative, s'organise. Dans quelles années là ? 70 ? Fin des années 70, vraiment. C'est vraiment à ce moment-là qu'on l'a senti, et pas seulement en Belgique, hein, partout en Europe. Il y a eu aussi la stratégie de la tension en Italie, à la fois de l'extrême, d'une certaine ultra-gauche, mais aussi de l'extrême droite. En plus, une partie des grands attentats qui ont ensanglanté l'Italie dans la fin des années 70 ont été attribués à des groupes d'extrême gauche, d'ultra-gauche, et parfois c'était vrai, mais dont on a su par la suite aussi, là, des enquêtes journalistiques ont démontré qu'ils avaient été manipulés en sous-main, notamment par les services secrets, par exemple, de l'armée italienne. Bon, il y avait vraiment une stratégie, ce qu'on appelait de la terreur et de la tension, et nous, on a connu ça en Belgique, de manière très très simple. Il y a d'abord, j'ai parlé du Western New Post, donc cette milice-là, qui est tombée. Et quand elle est tombée, on a découvert qu'elle avait des listes, notamment d'hommes politiques ou de personnalités connues en Belgique, avec leur adresse et avec des projets d'assassinat ciblés, pour créer vraiment un projet un climat de terreur. Notamment avec, par exemple, Philippe Moureau, qui vient de mourir récemment, qui était ministre de la Justice et qui avait mis sur pied la loi antiraciste. Ben, c'était un des premiers hommes à abattre véritablement. Et pour dire que ce n'était pas des rigolos... J'ai compris que c'était l'homme à abattre pour les... C'était un des premiers sur la liste. Et pour dire qu'on n'avait pas affaire à des rigolos, ce qui est véritablement à révéler le poteau rose, qui a sorti de l'ombre cette milice, qui était une milice complètement clandestine, c'est une affaire qui a un fait divers sanglant qui a fait la une des journaux, qui s'appelait le crime de la rue de la Pastorale. Et en fait... C'était un des cadres de cette milice qui était chargé de l'entraînement militaire et qui, pour former ses hommes, avait fait un assassinat rituel, égorgement, d'un couple qu'on a retrouvé rue de la Pastorale à Anderlecht. By the way, la bonne femme, c'était son ex, donc c'était aussi une histoire de vengeance personnelle. Voilà. Mais donc, et on les a retrouvés, on a retrouvé ce couple, les mains liées dans le dos, à genoux, égorgés d'une certaine manière, etc. Et c'était de l'exercice, c'était ce à quoi ils se préparaient. Et il y avait vraiment un plan d'assassinat ciblé de toute une série de personnalités en Belgique. Gros scandale, d'autant plus que le leader de cette milice, Latinus, était un gars assez connu, puisqu'il avait aussi auparavant été le dirigeant de la principale milice d'extrême droite dans la jeunesse, qui s'appelait le Front de la Jeunesse. Donc on connaissait Jacques Gaillard, et puis quelques années plus tard, il avait fondé ce truc-là. La différence, c'est qu'il, d'une part, il avait des liens au sein de la Sûreté de l'État, et que d'autre part, il était parvenu à se faire engager, parce que c'était un type assez brillant, au cabinet de la ministre Gore, qui était la ministre du PSC, le CDH aujourd'hui, qui était la ministre de l'Emploi. Il s'était fait engager, mais évidemment de manière complètement masquée. Je n'ai pas du tout dit que la ministre avait délibérément accueilli dans les rangs de son cabinet un facho, mais le type était parvenu effectivement à s'infiltrer. Et ça veut dire qu'il avait notamment la main sur toutes les listes d'adresses d'une bonne partie du tissu associatif en Belgique. Et le tissu associatif, surtout dans ces années-là, c'était évidemment un nid d'extrême gauche, ou en tout cas de gens de gauche, et actifs socialement. Donc ça veut dire qu'il avait y compris les adresses. Donc voilà, on sent vraiment on a vraiment senti autour de ce personnage qu'il y avait un plan de déstabilisation. Et pour l'anecdote, le mec en question, le fameux Latinus, a été retrouvé un ou deux ans plus tard, quand cette affaire a été révélée, pendu dans son propre garage, et quand la police a fait la reconstitution, d'une part il était pendu, le garage n'était pas très haut, ses pieds touchaient le sol, donc déjà pour prendre quelqu'un dans ces conditions, se pendre soi-même dans ces conditions, il faut être particulièrement doué, et de surcroît, les trois fois où on a refait la reconstitution, c'était un fil électrique, le fil a cassé. Bon. Donc clairement le type avait été éliminé. À la même époque, il y a notamment des cadres importants, un cadre important de la Fabrique nationale d'armes à Herstal, qui était en fait en lien, qui faisait en fait tout le travail clandestin de vente d'armes, notamment aux dictatures d'Amérique latine, qui a été retrouvé à Limal, près de non, à Bierge, près de Wavre, dans sa voiture avec une balle dans la tête. Donc il y a eu toute une série. Là, ce dont je te parle, c'est dans un laps de temps très court, en 3-4 années. Il y a eu, tous ceux qui étaient des adultes ou même des jeunes gens comme moi à l'époque s'en souviennent, il y a eu comme ça un climat complètement délétère. Alors j'ai parlé du Western New Post. Ma conviction et la conviction de la plupart des journalistes d'investigation de gauche que je fréquentais, et même pas seulement de gauche, hein, des gens comme René Hachin ou Soir pensaient la même chose, c'est l'époque où commencent les tueries du Brabant et où la conviction qu'on avait tous, c'est qu'évidemment ce n'était pas du gangstérisme. Le grand banditisme tue, mais tue de manière très parcimonieuse parce qu'ils savent ce que ça coûte. Donc ils le font quand c'est nécessaire, ils n'hésitent pas à déployer la plus grande violence, mais c'est toujours ciblé. Ici, on avait des massacres indéterminés, visant la population, un enfant de 12 ans, etc., abattu délibérément pour des butins du genre 300 kilos de café au Colreuth, des choses comme ça. Donc c'est absolument évident, et d'ailleurs on en a reparlé récemment. Bon, c'est-à-dire que ce que nous disions, quand je dis nous, moi j'étais jamais qu'un tout jeune homme, mais je collaborais à ça. J'ai fait partie notamment d'une revue antifasciste qui s'appelait Article 31, qui est devenue Celsius, qui effectivement faisait un travail d'investigation sur tout ce grenouillage, tout ce travail clandestin de l'extrême droite, les liens aussi avec certains milieux financiers et non des moindres, etc. Bon. Alors, où est-ce que je... Les tueurs du Brabant, qu'est-ce que vous t'en étais là, tu pars ailleurs. Alors nous, notre conviction, voilà. Quand je dis notre conviction, c'est pas seulement la mienne, c'est aussi la conviction des gens comme Philippe Rewes, qui est mort il y a quelques années, comme mon très grand ami et camarade Hugo Geysels, qui était un des journalistes et écrivains les plus en vue en Flandre sur la thématique de l'extrême droite. Il a notamment écrit deux, trois bouquins qui sont vraiment les sommes de référence sur le Vlaams Blok à l'époque, par exemple. Mais il avait aussi fait toute une enquête pendant des années en tant que journaliste sur les tueries du Brabant. Il a sorti un bouquin qui s'appelait The Bend en flamand et les tueurs, je crois. Oui, je crois que c'est. Non, l'enquête. The Bend en flamand et l'enquête la traduction française, qui était au fond la synthèse de l'enquête qu'il avait fait publier dans Humo, un magazine assez lu en Flandre, pendant des années. Et après, il en a fait une synthèse. Et lui, sa thèse était très très claire. C'était de dire il y a eu une volonté et une stratégie de déstabilisation de l'État. Comme par hasard, à cette époque-là, petite anecdote, c'est quand même intéressant de savoir qu'en Belgique, il y a eu des lois antiterroristes avant même qu'un seul acte de terroriste local, domestique, ait eu lieu. Il y avait eu du terrorisme d'importation, moyen-oriental, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas eu du terrorisme belgo-belge. Et puis, il y a une loi qui sort, et dans les mois qui suivent, il y a les tueries du Brabant d'un côté et les cellules communistes combattantes de l'autre. Bon, on avait tous la conviction aussi de dire, bon, on n'est pas complotiste du tout, mais quand même, la coïncidence est quand même assez frappante. Bon. Donc il y avait des enjeux de ce type-là. Il y avait des mobilisations immenses contre l'installation des missiles américains en Belgique, en sachant que la Belgique était le cœur du dispositif occidental, on était encore en pleine guerre froide. Il y a eu des manifs, on a toujours parlé de la marche blanche en disant qu'ils ont été jusqu'à 300 000 personnes, mais il faut savoir que la plus grosse manif antimissile, on en a fait 400 000. Antimissile? Oui, donc contre l'implantation des missiles en Belgique. Ouais. 400 000 personnes dans les rues de Bruxelles. On va devoir interrompre parce qu'on... Ok. Je vois ce que c'est. Perds pas le fil. Hein. Non, je perds pas le fil. Voilà. Donc tout ce climat, cette époque, c'est ce que certains ont appelé les années de plomb à la Belge. Les années de plomb, c'est le nom qu'on avait donné en Italie à toute cette période où il y a eu du terrorisme. Et Ça va, Denis. On sent. Bon, on a sonné à la porte. T'as couru. Puis là, ça va. Ouh, tu vois. Oui, d'accord, ça va. J'ai repris mon souffle. Mais donc c'est vraiment une époque qu'on a appelé ça les années de plomb. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'était vraiment plombé. Et on a connu ça. Pas aussi fort ou de manière aussi spectaculaire qu'en Italie, mais quand même quelque chose de très similaire. C'est-à-dire, si tu peux résumer... J'y viens. Donc, je te disais tout à l'heure que l'extrême droite, à l'époque, n'est pas encore... Elle commence à se relever, mais n'est pas encore en mesure, contrairement à ce qu'on va connaître des années plus tard, avec Le Pen, avec le Vlaams Blok, etc., avec... avec l'Alliance Nationale en Italie. Mais on n'en est pas encore là. Mais on sent bien qu'ils sont en train de... reprendre du poil de la bête. Bon. Comme à l'époque, ils ne savent pas percer encore électoralement. Ils se présentent, mais ils font des scores dérisoires. Donc il y a deux stratégies. Infiltration de l'appareil d'État et particulièrement de l'appareil répressif d'État. Et deuxièmement, ce qu'on appelait la stratégie de la terreur, la stratégie de l'attention, c'est-à-dire créer un climat de terreur pour favoriser, ben, en gros, une dérive autoritaire de l'État. C'est marrant, c'est ce cas de figure que tu expliques aujourd'hui, en 2018, en 2019. Le parallélisme est tout à fait frappant avec ce qui s'est passé. Voilà. Hein. À l'époque, ce n'était pas un terrorisme d'origine islamiste. À l'époque, c'était un terrorisme clairement d'extrême droite. Bon. Et un peu d'extrême gauche, mais Dieu merci, avec les CCC, mais nous, ça a quand même été très marginal. Les choses les plus sanglantes et les plus dures, c'était ça. Alors j'ai parlé du WNP, on a vu le danger que ça présentait. J'ai parlé des tueries du Brabant, où on est absolument persuadé qu'il y a des connexions, d'ailleurs, entre le WNP et les tueries. Le WNP, ça veut dire ? Le Western New Post, c'est cette milice dont je parlais tout à l'heure, avec le crime de la pastorale. Voilà. Et qui était soi-disant infiltré au sein de la sûreté, mais est-ce que c'est pas plutôt une espèce de ce qu'on avait appelé des liaisons dangereuses, d'alliances entre les fractions les plus d'extrême droite de l'appareil d'État et l'extrême droite pure et dure. Ça, c'était leur première stratégie. Leur deuxième stratégie, c'est donc créer une espèce de climat de psychose dans la population à travers des attentats. Et pour nous, les tueries du Brabant, c'est assez clairement ça, d'autant plus qu'on sait, et ça, c'est pas du complotisme, on peut, bon, ici, je peux pas le faire comme ça au déboté, mais il y a des documents qui démontrent ça très clairement, qu'on sait que notamment, il y a un manuel de la DIA, qui est la fraction militaire de la CIA, qui date du tout début des années 70, qui parle de la Belgique comme le ventre mou, notamment sur la question des missiles, etc. Donc, on est en pleine guerre froide, la Belgique c'est le poste avancé de l'Occident, c'est ça, oui, c'est le poste avancé de l'Occident. Et donc, or, on a quand même un mouvement pacifiste très important en Belgique, très influent dans la société, y compris une bonne partie du milieu chrétien qui est opposé notamment à l'installation de ces missiles. On est dans les années après 68, donc on a toute une série de petites organisations qui sont de gauche radicale. Donc, pour les États-Unis, pour l'Occident, on sent qu'effectivement, il y a une espèce de menace. En plus, il y a eu la bande à Bader, la RAF en Allemagne, donc aussi des groupes terroristes. Il y a eu les Brigades Rouges en Italie, etc. Et donc, il y a une crainte. Et donc, il y a ce manuel de la DIA qui dit que la Belgique est le ventre mou et qu'il faut créer un espèce d'électrochoc. Et c'est une espèce de manuel stratégique qui propose des pistes pour contrer, l'influence de la gauche en Europe. C'est marrant, cette image de ventre mou. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que c'est un peu le talon d'Achille, si tu veux, du dispositif. Que la Belgique est le talon d'Achille parce qu'effectivement, c'est le siège de l'OTAN, c'est le siège des institutions européennes, etc. Et en même temps, il y a une bonne partie de l'opinion qui est radicalisée plutôt à gauche et qui est plutôt, on sort la guerre du Vietnam, qui est plutôt un peu anti-américaine, etc. Donc comment créer un électrochoc qui permette effectivement de prendre une série de mesures politiques qui fassent basculer à droite. Donc, et dans ce manuel de la DIA, il y a toute une série de pistes qui sont invoquées, dont des attaques aveugles dans les grandes surfaces. Et ce truc est, et je répète, je ne suis certainement pas complotiste, moi je suis un marxiste, donc les gens qui expliquent que l'histoire est le fait de complots, de gens mal intentionnés qui dans les caves cuisines imaginent des... C'est pas du tout une vision marxiste, moi je pense que c'est les peuples, les masses, etc. qui font l'histoire. Donc avant même que le terme complotisme existe, moi, je me souviens des débats qu'on avait dans la gauche radicale où il y avait des thèses comme ça qui expliquaient. Tout s'expliquait effectivement par des manigances, etc. J'ai eu, bien sûr, les complots, ça existe, mais les complots n'expliquent pas l'histoire. Il y a des complots, mais ce n'est pas ça fondamentalement qui... Bon. Donc, je ne suis pas du tout complotiste. Mais là, ce sont des choses qui sont attestées. Je veux dire, je répète, il y a eu toute une série de journalistes d'investigation, des enquêtes solides qui ont été faites et qui ont démontré que... Alors, démontré... Je reviens à mon copain Hugo Geisels qui avait écrit sur les tueries du Brabant et puis qui, quelques années plus tard, significativement, va écrire les bouquins de référence sur l'extrême droite, cette fois-ci devenu beaucoup plus respectable et qui perce électoralement, c'est quelques années plus tard, mais c'est le même. Mais significativement, une des premières enquêtes qu'il fait, c'est sur les tueries du Brabant parce qu'il comprend très très bien qu'il y a un lien. Bon, voilà. Et donc, il a même écrit un bouquin, je l'ai dit. Il s'est fait condamner pour ce bouquin parce que dans ce livre, il démontrait que dans la plupart des affaires qui avaient ensanglanté la Belgique, Tuerie du Brabant, mais aussi Western New Post, mais aussi affaire Beyer-Bouche, ces gendarmes d'extrême droite, etc. On retrouve toute une série d'hommes de paille, d'hommes de lige, qui sont en gros des mêmes milieux. Ça ne veut pas dire, parce que ça, on l'a accusé de ça, et on n'a pas du tout cette vision-là, qu'il y avait une espèce de grand plan orchestré comme une toile d'araignée, pas du tout. Simplement, ce qu'il remarquait, c'était que les modus operandi, les moments d'intervention, et aussi une série de personnages louches qui tournaient, se retrouvaient dans ces différentes affaires, et que donc des connexions existaient. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y avait un grand plan concerté. Et, deuxième chose, qu'une bonne partie de ces personnages troubles qui gravitaient dans toutes ces affaires-là, peu ou prou étaient liés à l'aile droite du Parti social chrétien, et singulièrement d'une figure de proue à l'époque du monde politique, les jeunes ne connaissent plus ça, mais qui a été un homme incontournable pendant 30 ans en Belgique, qui s'appelait Paul van den Boeynants. Et donc, Hugo Gezels, dans son bouquin, simplement disait, voilà, il mettait toute une série d'éléments objectifs, tout à fait recoupés, etc., et en disant, voilà, il y a des pistes possibles, on peut imaginer différentes hypothèses, il formule des hypothèses, mais vraiment, à titre d'hypothèse, en tout cas, une chose est sûre, on ne nous fera pas croire que un tel faisceau de coïncidences, c'est de la pure coïncidence. Voilà, c'est tout ce qu'il disait. Et moi, ayant connu Hugo personnellement, c'était un ami intime, il m'a toujours dit, moi, j'ai jamais cru que Van den Boeynants, c'était derrière les tueries, ce type n'a pas besoin de ça, c'était l'homme politique le plus puissant en Belgique, etc. Par contre, dans son entourage, des gens comme le baron de Bonvoisin, par exemple, qui était un espèce de petit noble, fin de race, mais richissime, qui était d'extrême droite, qui était propriétaire du château de Mézeray, et bien, par exemple, le baron de Bonvoisin avait hébergé une partie de l'extrême droite néo-nazie la plus dure et la plus terroriste, ceux notamment qui ont commis l'attentat, à la même époque, je disais, il y a plein d'attentats en Europe, il y a eu le fameux attentat de la fête de la bière à Munich, qui a fait des je ne sais plus combien de dizaines de morts, donc ils ont posé une bombe délibérément dans... Bon. Eh bien, certains des terroristes liés à ça ont été, à un moment, étaient en cavale, et on a su par la suite aux enquêtes, que il avait été hébergé notamment par le baron de Bonvoisin, en sachant que le baron de Bonvoisin, à une époque, a été le secrétaire politique du CEPIC, l'aile droite du PSC, directement lié à Van den Boeynants. Voilà. Donc Hugo me donnait toute une série d'éléments comme ça, mais je répète, moi, étant assez intime avec lui, je peux le dire, pas assez simple, lui, il n'avait pas du tout une vision en disant, oui, il y a l'ombre de VDB derrière. Il disait simplement, dans ces milieux, à la droite de la droite, il y a effectivement des passerelles, y compris avec l'extrême droite, cette fois-ci la plus terroriste, la plus sanguinaire, la plus... Voilà. Soit dit en passant, il s'est fait condamner pour ce bouquin, et c'est assez extraordinaire. Parce que Hugo, oui, il s'est fait condamner. Heureusement, aux frais symboliques, mais aussi à la publication dans toute une série de journaux, et avec une série de camarades, on a lancé une campagne pour que les journaux où il devait faire paraître ces placards du jugement qu'il condamnait, accepte de publier ces placards gratuitement ou au moins à un prix d'amis. On n'y est pas toujours parvenu, mais on y est parvenu en partie. Et on a aussi lancé toute une campagne. Hugo faisait des formations antifascistes excellentes à l'intention de la FGTB, des sidérurgistes, etc., des métallos, sur justement ce qu'est le Vlaams Blok. Ils étaient tous redevables à Hugo en disant c'est un mec remarquable. Et on a lancé une campagne de fonds et ça a permis de payer les trucs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a tué Hugo. Ça l'a cassé psychologiquement. Il est mort peut-être 8-9 ans après, mais il n'a plus jamais été le même homme. Il était question qu'Hugo et moi, on réécrive son bouquin de Ben, qui avait été condamné. Et l'idée qu'on avait, c'était que le bouquin réapparaisse, mais sous la plume officielle d'un collectif d'écrivains et journalistes connus. Hugo ne serait plus apparu. Mais en gros, on ressortait le même bouquin. On était 10 ans plus tard, donc... Il y avait l'idée de faire une actualisation, Hugo et moi, et puis mais lui ne serait pas apparu, et une série de gens. C'est une pratique que je connaissais bien, parce que, c'est à ça que je voulais venir, quand il me demandait au début pourquoi l'extrême droite, ben, mon premier engagement militant, politique, je suis rentré dans un journal qui s'appelait Journal Pour, qui est d'ailleurs un peu... Il y a un nouveau Journal Pour, et pour moi il n'a plus grand-chose à voir avec, même si c'est le même fondateur, bon voilà. Mais le Pour, toute première manière, moi j'y suis rentré à la fin du projet. C'est-à-dire, moi, je suis rentré en fin 79 et en 80 ou 81, je crois que c'est en 81, ce journal a été incendié de fond en comble par un commando d'extrême droite. Pourquoi l'ont-ils incendié? Pour une raison très simple, et nous savions qu'on était menacés. En plus, il y avait eu des appels téléphoniques anonymes, etc. Parce que depuis 2 ans, ce journal menait un travail remarquable d'enquête. Du vrai journalisme d'investigation et de dénonciation des pratiques de l'extrême droite, notamment... En Belgique. Notamment le fait que les deux expressions les plus connues de l'extrême droite à l'époque, juste avant qu'elle, comme j'ai dit, qu'il croisse assez pour pouvoir, qu'il ait la maturité pour pouvoir se présenter en tant que parti politique. C'était plutôt des organisations, même s'il se présentait marginalement aux élections. C'était le Vlaams Militante Horde. Alors, vous tapez, ceux qui nous écoutent tapent ça sur un site de recherche, ils vont tout de suite avoir des images, ils vont avoir une idée de ce que c'est. C'était une milice qui comptait à peu près 200 militants d'extrême droite, qui plus tard d'ailleurs constituera l'ossature du service d'ordre du Vlaams Blok. Donc Vlaams Militant d'ordre, mais eux c'était vraiment une milice. En battle dress, en uniforme véritablement. Ils défilaient dans les villes flamandes avec des boucliers comme des écus, avec des slogans disant arabe, rat, rolle mat, donc ra arabe, roulez vos tapis, donc dégagez, hein, mettez les voiles, etc. Avec des slogans ouvertement racistes. Et c'était des manifs très impressionnantes où on voyait des dizaines et dizaines de gaillards baraqués, formation de para, défilés avec des slogans extrêmement durs, et la plupart des manifs se terminaient avec des bagarres, ou à la fin des manifs, certains morceaux de la manif se détachaient et allaient attaquer des locaux de gauche. Il y a eu une librairie, je me souviens bien, à Malines, qui a été mise à sac comme ça. Moi, je me souviens d'une manif qu'on avait fait à Louvain contre eux. Il y avait une contre-manif. Eux étaient autorisés à manifester et il y avait une contre-manif autorisée. Je me souviens que les copains flamands nous ont accompagnés à la gare, mais vraiment en service d'ordre et en disant « Vous ne traînez pas », surtout que nous, on ne se débrouillait pas très bien en flamand. Hein, c'est un peu ce qu'il donne vrine, hein, c'est risqué de se faire. Et le soir même, on a appris que dans les côtes, un peu comme il y a les côtes à projet à Louvain-la-Neuve, il y avait des côtes aussi à Louvain flamand, et bien un des côtes qui était connu pour être de gauche radicale avait été véritablement attaqué, mais les gars étaient arrivés avec barre de fer, avaient tout démoli, avaient cassé la gueule. Bon. Donc il y a vraiment une pratique comme ça. Et donc à la même époque, donc nous, pendant 2 ans, on a fait toute une série d'articles là-dessus. Et notamment... Quelle année alors, pour qu'on se situe un peu, toujours les années 70 ? 79. 78-79. Le plus gros des révélations, c'est à cette époque-là. Et notamment, il y a eu 2 numéros qui ont vraiment fait le buzz, comme on dirait aujourd'hui. 2 numéros du Pour, du journal Pour. Journal Pour. 2 numéros qui, dont les révélations qu'on a faites ont été reprises par la grande presse. Et à la meilleure époque, d'ailleurs, certains de ces numéros-là ont eu un tel succès qu'on grattait même le Pourquoi pas, qui était l'équivalent du Vif, en termes de vente. Hein, alors que nous, c'était une vente militante, etc. Mais il y a une époque où, véritablement, on a un peu été leader d'opinion sur ce sujet-là. Et on était suivi par la grande presse, en plus. On avait quelques journalistes d'investigation, au Morgan, même au Soir, René Aquin, etc., avec qui on était en contact, qui travaillaient sur le même sujet. Et je crois vraiment vouloir dire qu'on était reconnus pour l'expertise qu'on avait là-dessus. Mais c'était un boulot dangereux, évidemment. Et notamment, je disais, il y a 2 numéros qui ont vraiment fait parler d'eux, qui parlaient de quand d'entraînement armé de l'extrême droite, des milices de l'extrême droite, le Front de la Jeunesse et le VMO, donc l'aile francophone et le néerlandophone, parfois combinés d'ailleurs, et des camps d'entraînement armé au sein de camps de l'armée à Léopoldville, et encadrés par des officiers de l'armée belge, eux-mêmes d'extrême droite, notamment... Le dirigeant du Front de la Jeunesse s'appelait Dossong. Eh bien, son père ou son oncle, je crois que c'est son oncle, était un instructeur paracommando. Et effectivement, nos camarades avaient été en planque, avaient fait des photos, des choses. Et c'était vraiment frappant. On voyait, quand je disais entraînement armé, c'est lancement à la grenade, tir à la mitrailleuse, pas à la mitraillette, à la mitrailleuse, etc. Donc, assez solide. Et donc, on avait été alertés par des progressistes de la région qui avaient... des gens qui étaient chasseurs aussi, etc., qui disaient il y a des choses bizarres qui se passent. On avait été enquêtés. Moi, j'étais un tout jeune homme à l'époque, je ne faisais pas partie de cette équipe-là, mais c'est pas pour rien que j'ai rejoint le journal. Je sais que j'ai rejoint le journal la semaine où je suis rentré à Pour. C'était la semaine où sortait effectivement cette couverture que je vois encore rose, où on voyait ces photos, où on voyait les gars casqués, etc., en train de s'entraîner. Et c'est pas par hasard. C'est que depuis 1 an, je les lisais, et puis un beau jour, voilà, ils m'ont demandé si je pouvais donner un coup de main à l'imprimerie, et puis ils ont dit, t'as une bonne plume, tu veux écrire. Et c'est comme ça que peu à peu, je suis rentré, c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Mais donc, c'est pas tout à fait par hasard. Donc, pendant 2 ans, on a vraiment pourri la vie à l'extrême droite. Je dois dire que les enquêtes journalistiques que nous avons faites ont servi de base à des enquêtes judiciaires. Donc, on a obtenu que la justice s'empare de l'affaire. Et il y a eu condamnation et du Vlaams Militant Ordre et du Front de la Jeunesse. Et je crois vraiment pouvoir dire que notre action a presque tué dans l'œuf l'élan, le premier élan, en tout cas de l'extrême droite francophone en Belgique, fin des années 70, tout début des années 80. Mais ce n'est pas par hasard si un an plus tard, ça s'est soldé par un incendie. Je signale que c'est le seul cas dans toute l'histoire de la Belgique. Hein. Tu peux vérifier en 180, 190 ans de l'histoire de la Belgique, c'est le seul journal qui a été... Donc, ils ont placé une bombe incendiaire qui a réduit en sang le journal. À l'époque, il se fait que le journal avait explosé suite à un conflit interne sur lequel je ne veux pas revenir. Et moi, j'étais dans l'équipe des dissidents, qui était l'immense majorité du journal. Il ne restait que le leader historique et quelques-uns de ses lieutenants, mais la plupart des gens avaient claqué la porte. Et je ne veux pas du tout jouer au martyr par procuration, voilà. On ne va pas faire dans la politique fiction, mais je me suis souvent dit qu'au fond, même si à l'époque j'étais en opposition frontale avec le directeur qui a fini par nous foutre dehors, ce gars m'avait, et de même qu'à quelques autres camarades, sauvé la vie. Parce qu'à l'époque, je n'habitais pas Bruxelles, et je vivais au journal, et je dormais au journal. Et à l'époque, le journal, c'était, il y avait l'imprimerie au rez-de-chaussée, c'était une vieille maison, un vieux bâtiment industriel, si on veut. Et avec, comme souvent à l'époque dans les ateliers, des coursives. Donc aux étages, il y avait des locaux, mais qui étaient dans des espèces de coursives. Autrement dit, ça formait une cheminée formidable avec l'imprimerie au rez-de-chaussée. L'imprimerie, c'est tout ce qu'on appelle les produits accélérants, comme disent les pompiers. Donc les gars, il suffisait qu'ils craquent une allumette à la limite, ouais. Et ça a fait ouf. Pour faire une belle flambée. Belle flambée. Et nous, évidemment, on dormait dans les combles. Et donc, entre-temps, on avait été mis dehors, etc. C'est pas par hasard si on a attaqué ce moment-là aussi, c'est parce que donc, toute l'équipe des militants, je dirais, était partie. Et nous, les jeunes, on faisait le service d'ordre, c'est-à-dire le soir, on barricadait les fenêtres, il y avait une ronde, on était présents, etc. Du jour où on est parti, il n'y a plus eu ça. Et comme par hasard, 3 mois plus tard, il y a un commando qui s'est introduit. Et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la sûreté de l'État, puisqu'on sait que les plans de l'imprimerie et du journal avaient été transmis au VMO, semblerait-il, par un agent de la sûreté, ce qui était le gars qui faisait la connexion. Donc, voilà. Le VMO qui est l'extrême droite, là. C'est pas le VMO, là c'est le front de la... Donc il y avait deux milices, une flamande, très basée sur tout le nationalisme flamingant, historique, etc. C'est vraiment l'extrême droite. Là, le lien avec l'extrême droite des années 30 était assez évident. Hein, de même que le futur fondateur du Vlaams Blok était lui-même, comme jeune adolescent, sous l'uniforme des milices collaboratrices durant la guerre. Donc en Flandre, la lien était vraiment beaucoup plus direct. Du côté francophone, c'était plus une nouvelle génération d'extrême droite, mais ils étaient en lien, et donc il y avait deux milices, le Front de la Jeunesse d'un côté et le Vlaams Militant Ordre. En l'occurrence, l'incendie du journal Pour, on sait que c'est le Front de la Jeunesse, parce que là... la justice a battu le beurre et a mené une enquête, mais vraiment ils perdaient leur chat. Et le journal lui-même a mené une enquête. Je ne donnerai pas les détails, mais il se fait qu'on avait un camarade qui, un des rares véritables prolétaires, même sous-prolétaire, un gars qui venait des milieux populaires et dont le fils était un sympathisant de cette milice. Et un jour, le fils est allé parler au père en disant: moi, je sais qui a fait le coup. On a pris le truc au sérieux, on a fait une enquête. Très très vite, on a eu tous les éléments, tous les indices convergents qui accablaient ce petit groupe. Et donc, je peux dire que non seulement on a fait une enquête qui a contribué à casser l'extrême droite, mais on a livré en quelque sorte les incendiaires sur un plateau à la justice. Ça, c'est une affaire qui monte donc à maintenant 35 ans ou plus. On ne sait toujours pas qui est le commanditaire, par contre. Mais par contre, une partie des incendiaires ont été arrêtés et ont fait des années de tôle. Et ça, c'est nous-mêmes qui les avons... voilà. Donc ça t'explique aussi pourquoi mon premier engagement, c'est en 79, dans un journal qui, en 80, est incendié. Je ne les aimais déjà pas beaucoup avant. Depuis lors, j'ai comme un compte même personnel à régler avec eux, quoi. Voilà. Bon, le temps, il passe, hein, c'est comme ça. Sinon, c'est fou, quoi. Et donc... Moi, j'aimerais bien aussi qu'on analyse 2018-2019, tu sais, notre époque, quoi. Parce qu'on dirait qu'avec ce que tu racontes, ça... Oui, il y a comme un combat qui est mené, qui n'est pas forcément en surface, comme tu dis, un peu souterrain. Mais là, maintenant, c'est l'explosion. Tu peux un petit peu faire un panoramique. Je comptais venir à ça. C'est, je veux dire, ça, c'est la première époque. C'est l'époque où ils commencent à percer, mais ils n'en sont pas encore. Quelques années plus tard, c'est vraiment spectaculaire. En peut-être 3-4 ans plus tard, on voit alors, donc le Front de la Jeunesse, qui s'était transmué en partie des forces nouvelles, a disparu, suite aux poursuites auxquelles on a contribué. Le VLAM, ce militant de horde, existe encore, mais plus sous ce nom-là, il a été dissous. Donc, il y a des décisions de justice qu'ils ont dissoutes, hein, carrément. Alors, évidemment, ils sont reconstitués de manière clandestine d'autres noms, mais en tout cas, on peut dire qu'on les a cassés. 2-3 ans plus tard, on voit, pour la première fois, du côté. D'une part, on voit le VLAMS Belang, qui, lui, est fondé en 76-77, si ma mémoire est bonne. Mais dès le début des années 80, le VLAMS Belang fait une percée absolument spectaculaire en Flandre. Avant Le Pen. La plupart des gens s'imaginent que la première grande percée, la nouvelle percée d'extrême droite après-guerre, c'est Le Pen. Non, non, Le Pen, c'est après. Donc c'est 2-3 ans auparavant. Nous avons ce privilège, entre guillemets, d'avoir connu dans notre pays la première percée significative d'un parti d'extrême droite et qui, très très vite, va c'est un peu ce que Le Pen va faire quelques années plus tard, c'est qu'on passe de 0,3 ou de 4% à 15%, 20%, et 10 ans après, à la fin des années 90, c'est pas compliqué, un Flamand sur 4 lors de certaines élections vote pour le Belang, un quart de l'électorat en Flandre, et Anvers 1 sur 3, Anvers la plus grande métropole, etc. Bon. Aujourd'hui, on va y venir, parce que justement, ça c'est la troisième. Première époque, c'est cette époque à la fois terroriste, clandestine, etc. Deuxième époque, c'est la percée politique. C'est pour la première fois, ça c'est un phénomène nouveau depuis la guerre. On a tous été choqués par ça. On a parlé du dimanche noir, etc. On a vu des élections où le VLAM ramasse tout. En Wallonie, la situation est différente parce que, on va faire très bref, la chance que nous avons eue, nous les antifascistes francophones de Belgique, c'est qu'on a toujours eu en face de nous l'extrême droite la plus bête du monde. Il y avait eu, l'expression n'est pas de moi, dans les années 30, je ne sais plus quel homme de gauche, je ne sais pas si c'est Blum ou quoi, qui disait en France, nous avons la droite la plus bête du monde. Eh bien nous, on avait coutume de dire, du côté francophone, j'ai bien dit, Bruxelles francophone et Wallonie, on a l'extrême droite la plus bête du monde. Parce que, je dirais qu'à la limite, les conditions étaient encore meilleures en Wallonie qu'en Flandre pour percer. La crise économique se faisait ressentir partout, mais évidemment beaucoup plus en Wallonie. La Flandre était déjà une région très largement prospère, avec peu de chômage, etc. En Wallonie, c'était véritablement la désertification, c'était une situation comme dans le nord de la France, et comme par hasard, où est-ce que Le Pen va percer d'abord ? C'est dans le nord de la France, dans un premier temps. Dans les anciens bastions ouvriers, avec une partie de l'électorat qui votait avant à gauche et qui a commencé à voter extrême droite. Donc, en France, une partie des banlieues rouges communistes qui sont passées au FN. En Belgique, des bastions du Parti socialiste depuis toujours, où on a vu des taux de 15, 20, parfois 30% de l'extrême droite, mais, j'ai bien dit du côté wallon, la chance que nous avions, c'est pour ça que je disais l'extrême droite est la plus bête du monde, c'est que c'est, contrairement à la Flandre, jamais cette extrême droite n'a été capable de se structurer, de s'unifier, de se doter d'un véritable appareil, de se doter d'un leader charismatique. J'ai tout à l'heure fait allusion à Marguerite Bastien, Front Nouveau, qui était une des dissidences du Front, où là on a vraiment eu très peur, parce que pour la première fois on voyait une organisation assez structurée et avec une leader qui effectivement passait très très bien. Bon, ça a fait flop, mais là on a une crainte. Et pourquoi on avait une crainte ? Parce qu'on disait, on est comme dans une grange avec la paille hyper sèche, il suffit d'une étincelle. T'aimes bien l'image du feu, toi. Et ça peut prendre. Mais oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. On disait, bon. Et alors les gens disaient, mais non, regardez, ils font encore que 7%, etc. On dit, oui, ça. Quand Le Pen a percé, l'image qu'on utilisait beaucoup, beaucoup de commentateurs et d'analystes en France parlait du feu de paille. Parce qu'on avait vu une percée qu'on avait, mais on disait, ça ne durera pas, le feu de paille. Et je me souviens que nous, à l'époque, on répondait, on disait, oui, mais un feu de paille dans une grange, c'est très dangereux. Est-ce que vous allez attendre que les flammes lèchent la charpente pour réagir ? Bon, hein ? Tu parles de qui, là ? Là, je parlais de la France. Mais de la même manière, en Belgique, on disait aussi, toutes choses étant égales par ailleurs, si on compare la Wallonie, par exemple, justement, aux régions où perçait le Front National, on disait, on a exactement la même situation. J'ai envie de te couper parce que quand tu dis, c'est intéressant, je trouve, quand tu dis la France, tu parles de la France, vous attendez quoi pour réagir ? Mais quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça ? Vous attendez quoi pour réagir ? Tu parles à qui ? D'accord, ok. Alors, on va rester centré sur la Belgique, mais c'est vrai que c'est intéressant de faire d'élargir. Oui, ça pourrait être aussi en Belgique. D'élargir le champ parce qu'effectivement, c'est vrai qu'aussi bien du point de vue du fascisme que de l'antifascisme, pour les Belges, et particulièrement les Belges francophones, la France a un peu servi d'exemple. Pourquoi ?